En Corée du Sud, une presse a révélé que Choi Soon-sil a examiné préalablement toutes sortes de données de parole et de discours de Park Geun-hye rédigés pour les réunions des ministres, etc. À ce propos, la Solidarité des citadins pour une société démocratique a publié une déclaration le 25 octobre pour condamner Park Geun-hye et le journal d'internet La Voix du Peuple a inséré un éditorial. Par ailleurs, le 26 octobre, la CBS a critiqué Park Geun-hye, qui a reconnu à travers les excuses devant le peuple l'intervention de Choi Soon-sil dans les affaires d'État. Le journal d'internet Minzo Gilbon a inséré un éditorial titré « Park Geun-hye, retraite ou renversement ?».